vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su Bella Ciao! Donc cette chanson avait été choisie par Chantal Paternost elle-même, qui nous a quittés ce 23 août. Chantal était une fondatrice avec son compagnon Mike de Radio Air Libre. Et elle avait beaucoup œuvré pour la radio. Elle avait fait plein de choses. Elle avait été animatrice, elle avait fait plein de... d'émissions super militantes, plein de choses. On va faire sûrement une émission spéciale sur elle, parce que c'est important. Il y a plein d'enregistrements qui sont assez anciens. La radio existe depuis 1980. Et donc, il y a plein de choses intéressantes qu'on pourra passer peut-être à l'émission ou à la radio. Et donc, cette chanson, elle l'avait choisie parce que c'est une version de Bella Ciao qu'elle aimait bien. Et donc, elle faisait aussi toute la programmation musicale du non-stop. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a fait aussi pas mal d'émissions qui sont passées minuit, je sais pas quoi, l'émission minuit. Elle programmait plein de feuilletons. Oui, de feuilletons et de choses comme ça. Et donc, elle faisait beaucoup de recherches sur Internet. Elle avait en plus programmé pour nous, pour notre émission en particulier, la bibliothèque anarchiste, qu'elle passait juste avant notre émission. Et donc, elle nous a quittés. Et c'est une grosse perte pour toute la radio, parce que bon, elle était quand même très active encore jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle décède donc ce lundi dernier. Voilà, nous allons passer juste un petit extrait du Petit Pousset, et ça s'appelle « Un placement en or ». Vous allez entendre pourquoi. Il y a quelque temps, dans un journal bien informé, j'ai lu que 100 000 marques, c'est-à-dire 2 millions, seraient versées à tous ceux qui, par leurs renseignements, permettraient la capture de terroristes allemands. Cette récompense est d'un montant double à toutes celles promises les années précédentes. La conclusion à tirer de cette annonce est que si par hasard vous connaissez un de ces dangereux révolutionnaires encore en liberté, vous avez intérêt à le garder pour vous tout seul, je vous explique. Puisque la récompense double tous les ans, c'est le placement idéal, le placement de rêve. Vous qui n'avez pas un rond, ou même vous qui êtes plein aux as et qui aimez le fric, bien sûr, vous pourriez dès aujourd'hui aller dénoncer un quelconque terroriste de vos connaissances et toucher 2 millions. Mais ne soyez pas mesquins, ne soyez pas des gagne-petits. Pensez que du train où vont les choses, l'année prochaine, c'est 4 millions que vous toucherez. L'année suivante, 8 millions. Calculez un peu combien vous toucherez dans 10 ans ou à votre pension. Aucun capital ne peut rapporter aussi gros. Alors, réfléchissez, vous qui avez repéré un terroriste. Économisez-le, pensez à votre avenir, faites votre fortune en la bouclant. Dans une usine de computer, pleine de machines à avoir peur, un carteron d'octogénaire chasse le boson. Le petit carteron d'octogénaire, ben ils sont tous partis à la chasse aux bosons, à la chasse aux bosons intermédiaires. C'était un petit hommage à Chantal, mais ben, on fera une émission spéciale plus tard. Donc, voilà. Alors, donc, on va revenir au sujet de notre émission. Alors, nous avons deux invités, trois même, parce qu'il y en a une qui reste un petit peu en retrait. Mais elle peut intervenir si elle veut. Donc, il y a Fabien Masson, qui est coordinateur de l'équipe TIC, Technologie de l'Information et de la Communication à Lire et Écrire Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Et Iria Galvan-Castano, responsable de projet, service de recherche de Lire et Écrire Bruxelles. Donc, on a invité donc, la SBL, Lire et Écrire, parce que vous avez initié une campagne sur les oubliés du numérique, qui est juste à la veille de la journée internationale de l'alphabétisation, qui a lieu le 8 septembre. Voilà. Et alors, moi, ce que je voulais savoir, pourquoi, quel est le but de cette campagne ? Ben, tout d'abord, avec cette campagne, on veut attirer l'attention sur le fait que la numérisation des services publics rend l'accès à ces services, justement, extrêmement compliqué pour un certain nombre de personnes, et principalement, notamment, les personnes en difficulté de lecture et écriture. Et donc on veut vraiment mettre en avant, on avait déjà parlé un petit peu de la fracture numérique l'année passée lors de notre campagne en 2020, et on voulait vraiment enfoncer le clou parce que on voit que cette numérisation elle continue, et que vraiment on a reçu énormément de témoignages de personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'accéder à leurs droits suite à la numérisation de ces services publics. Ok. Donc avec la numérisation, vous voulez dire l'accès à Internet, c'est ça? C'est quoi la numérisation? Oui, le problème n'est pas tellement la numérisation, ça veut dire que toutes les démarches deviennent online, que tu peux faire toutes les démarches administratives online, sinon le fait que les autres canaux de communication avec les services publics se ferment. Moi, je l'entends un peu. Donc, les guichets, les services téléphoniques. Changer de micro. Il y a un petit problème avec ce micro. Pas de problème. Ah oui, je m'écoute maintenant. Donc, le problème n'est pas tellement en soi la numérisation, donc le fait que les démarches... Oui, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, d'accord. Le fait que toutes les démarches deviennent... qu'on peut faire toutes les démarches en ligne, sinon le fait qu'en même temps, on est en train de fermer les autres canaux de communication. Donc, par exemple, les guichets ou les services téléphoniques qui sont indispensables pour beaucoup de personnes parmi elles, et les personnes en difficulté avec l'écrit et la lecture. Voilà, et alors je voulais que vous me présentiez l'association Lire et Écrire. Oui, bon, je commence. Donc, Lire et Écrire est une association qui est créée au début des années 80, donc en 1983, et qui travaille sur les droits à l'alphabétisation. Donc, en principe, on a commencé avec une petite association, mais maintenant, on travaille à Bruxelles et aussi en Wallonie. Notre but, comme je viens de dire, est les droits à l'alphabétisation pour tous et toutes. Et on travaille premièrement en formation, donc on donne des formations aux personnes qui ont des difficultés, mais aussi on fait des formations pour les formateurs d'autres associations. On a aussi une équipe qui travaille en recherche, comme moi, qui fait des études et des articles sur les conditions sociales de vie des personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture. Aussi, on a un service Alpha Emploi, qui c'est un service qui accompagne les personnes qui veulent trouver un emploi et qui ont des difficultés. Et bien sûr, la sensibilisation et l'accueil des personnes. Et aussi, on est les CREDAF, qui c'est les centres régionaux pour l'alphabétisation et les français langue étrangère, des bases. Et donc, d'une certaine façon, on travaille avec toutes les associations de Bruxelles, justement, pour renforcer ce droit à l'alphabétisation. Et l'analphabétisme en Belgique, ça représente quand même une part importante de personnes? Bon, nous estimons qu'une personne sur 10 a des difficultés avec la lecture et l'écriture en Belgique. C'est une estimation puisqu'il n'y a pas d'études à Bruxelles et en Wallonie, mais il y a des études dans d'autres régions et dans d'autres pays proches qui nous disent qu'on n'est pas loin de la réalité. Par exemple, l'OCDE a fait une enquête en Flandre qui montre que 14% des adultes ont des difficultés, pardon, avec la lecture et l'écriture. Et il y a une autre enquête qui a été faite en France, une enquête plus précise sur l'illettrisme, donc les personnes qui ont été scolarisées en France et qui après ont des problèmes avec la lecture et l'écriture. Cette enquête montre que 7% des adultes français scolarisés en France ont des difficultés avec la lecture et l'écriture. C'est pour ça qu'on estime qu'à Bruxelles et en Wallonie, on peut parler d'une personne sur 10. Est-ce qu'il y a un profil particulier des personnes qui viennent apprendre à lire et écrire? Le profil, donc, ce sont des personnes qui n'ont pas été scolarisées. En tout cas, à Bruxelles, c'est essentiellement des personnes donc, qui n'ont pas été scolarisées ou très très peu. Donc ça, c'est principalement des personnes d'origine étrangère, puisqu'en Belgique, avec la scolarité obligatoire, c'est quand même généralement des personnes qui ont été scolarisées en tout cas quelques années. Mais on voit en Fédération Wallonie-Bruxelles, une personne sur cinq quitte l'enseignement avec au maximum le diplôme d'études primaires, le CEB. Et donc, on va aussi avoir toute une population qui a grandi, qui a été scolarisée en Belgique, mais qui va se retrouver à l'âge adulte avec des difficultés face à l'écrit. Parce qu'il y a une carence au niveau de l'école ou qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'aurais sans doute des collègues qui pourront mieux répondre que moi. Bon, l'école en Belgique, c'est une école très inégalitaire, en fait. Et c'est la couche sociale et économique à partir de laquelle les élèves viennent détermine grandement les résultats de ces élèves-là. Donc, les enquêtes montrent justement que l'école en Belgique est très inégalitaire. Et donc, les personnes déjà qui viennent des familles où les parents ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, des personnes qui viennent d'une autre culture et qui ne s'adaptent pas à la culture de l'école, que c'est quand même une culture en soi, c'est une institution. Et les personnes qui ont aussi un parcours de vie difficile pour différentes raisons, parfois finissent par finir l'école sans un diplôme et surtout sans savoir lire et écrire correctement. Et est-ce que c'est une question de genre aussi ? Est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui viennent Il y a plus de femmes. Les enquêtes internationales nous parlent des 60% des personnes analphabètes sont des femmes et chez nous, c'est un peu le pourcentage. 60% des élèves ou des apprenants, comme on dit, nous, sont des femmes à lire et écrire. Et évidemment, comme Fabien vient de dire, ce sont des personnes qui viennent souvent d'autres pays où les différences de genre par rapport à l'école sont très marquées. Ok. Donc la base, c'est le fait de ne pas savoir lire ni écrire et après d'utiliser tout ce qui est les appareils numériques, quoi. Alors les appareils numériques, le numérique en général, les personnes qui sont en difficulté de lecture et écriture vont aussi se trouver en difficulté généralement par rapport aux écrans, puisque l'écrit qu'ils vont rencontrer dans leur vie quotidienne, de plus en plus, il apparaît sous forme d'un écran. Et donc l'écrit papier classique, de plus en plus, maintenant il est sous forme d'écran, et donc il y a des interfaces à manipuler, que ce soit, on pense évidemment au site internet, mais il y a aussi les distributeurs de tickets de transport, quand on ferme des guichets dans les gares et qu'il ne reste plus que des automates, ça aussi c'est du numérique. À Bruxelles, dans les stations de métro aussi, parfois il y a la seule possibilité d'acheter un ticket, puisqu'on ne peut plus l'acheter dans le transport, il faut aller à l'automate. Donc c'est aussi ou retirer de l'argent, par exemple. Donc ce sont tous des démarches qui sont compliquées quand on demande à des personnes de les faire elles-mêmes, parce qu'ils vont se retrouver avec la difficulté de l'écrit et la difficulté de la manipulation de l'appareil qui vient ajouter une couche supplémentaire. Ok. Et alors, comment ça se passe pour leur apprendre à manipuler ces outils un peu barbares? Alors, on n'organise pas de formation à l'informatique. Nous ne sommes pas un centre de formation informatique. Nous, on est un centre d'alphabétisation. Enfin, on a plusieurs centres d'alphabétisation. On en a 5 à Bruxelles. Et donc, on organise des formations d'alphabétisation. Et puisqu'on apprend à lire, à écrire, mais aussi à parler parfois, parce que les personnes ne maîtrisent pas toujours le français quand elles arrivent chez nous, on va intégrer au sein de ces formations la dimension numérique. Et donc apprendre à lire et à écrire aussi, mais pas seulement, avec les écrans. Et pourquoi on ferme tous les guichets locaux? Pourquoi on va tous dans cette évolution et, qu'est-ce que sont les réponses du gouvernement politique là-dessus? Bon, c'est difficile à répondre pour eux, mais moi j'ai l'impression qu'ils présentent la dématérialisation comme inéluctable, comme la seule option pour continuer dans ce monde qui vient, comme s'il n'y avait pas l'option de laisser la relation humaine présente. Moi je pense qu'il y a un intérêt à présenter les choses comme inéluctables et à ne pas laisser les gens définir et réfléchir sur quel type de rapport veulent établir avec les services publics. pour moi, ce n'est pas inéluctable. On peut garder un guichet, on peut garder un service téléphonique qui soit effectif, qui ne soit pas un répondeur automatique. Et si on épargne de l'argent, justement, parce qu'on est en train de réduire les coûts des ressources humaines, donc cet argent qu'on épargne, est-ce qu'on ne peut pas le dépenser à laisser certains guichets ouverts et accessibles? Je ne sais pas. Mais avec votre campagne, est-ce que, parce qu'elle avait demandé, Nicole avait demandé le but de votre campagne, est-ce que ce n'est pas non plus d'aller parler un peu avec des institutions, des gouvernements locaux, pourquoi ils ferment tous ces guichets? Et bien évidemment, un des objectifs, c'est faire un plaidoyer pour essayer de convaincre les institutions, les services publics, les services d'intérêt général en général, de qu'il faut laisser... il faut laisser les guichets ouverts parce qu'il y a des personnes qui vont se former. C'est la réponse qui nous donne maintenant les pouvoirs publics, la formation et l'accès, que c'est important et que c'est nécessaire. Mais il y a des personnes qui vont prendre peut-être 2 ans pour apprendre à gérer ces démarches online. Il y a des personnes qui vont prendre 5 ans, il y a des personnes qui vont prendre 10 ans et il y a des personnes qui ne vont pas arriver. Des personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture, mais aussi d'autres personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Et donc ces personnes-là, pendant ces temps-là, ont les droits, comme les autres citoyens, à accéder aux services publics. Et donc du coup, pour moi, c'est les institutions publiques qui doivent garantir l'accès. Ce n'est pas une responsabilité des personnes de se former pour accéder. Bien évidemment, la formation... On est pour la formation, mais c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Et surtout, ça prend du temps. Parce que c'est aussi un risque maintenant que les gens deviennent dépendants encore plus en plus et perdent leur autonomie parce que maintenant, ils doivent aller vers des associations locales, vers certaines institutions d'assistance sociale et autres qui doivent faire tout ça pour ce public-là. Et donc... C'est pas normal qu'on ne peut pas mener notre vie de manière autonome. Justement, c'est ça, c'est une tragédie, parce qu'il y a des personnes qui ont gagné de l'autonomie et maintenant ils se voient dépossédés de certaines capacités qu'ils en avaient. Et je vais illustrer avec quelques exemples, parce que je pense que ça donne quand même mieux une idée de ce qui est en train de passer. Donc si vous me permettez, je donne 2 exemples. Donc, je l'avais donné l'autre jour à une autre collègue, c'est Abdelali, qui est un réfugié syrien qui fréquente les centres d'Alpha de lire et écrire à Saint-Gilles. Et sa compagne, qui est aussi analphabète, tous les deux, ont 2 enfants en bas âge et ils sont incapables de gérer sa compte bancaire. Et ils ne savent pas le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont donné son PIN et sa carte bancaire, une de ses cartes bancaires, à les frères d'Abdelali, qui habitent à Charleroi et que maintenant ils s'occupent de faire les virements pour eux. Mais ils sont dépossédés d'une capacité, ils ne peuvent pas gérer leur argent. Ils doivent, et aussi, c'est une perte d'autonomie, c'est se mettre à risque. Bien évidemment, je pense que le frère d'Abdelali, il est tout à fait honnête, mais bon, ils sont quand même à risque, ils ne peuvent pas gérer leur argent. Et ils s'expriment des sentiments de frustration, d'infantilisation et d'insécurité. Qui sont très injustes, à mon avis. Et après, par exemple, j'avais aussi amené des exemples de personnes qui errent à Bruxelles en train de chercher une aide, une personne qui peut les aider. Parfois, ils réussissent, et parfois, ils ne réussissent pas, et ils laissent tomber l'accès. Non? Et donc, du coup, je vais donner un exemple positif. Et par exemple, Lamia est une femme qui est au chômage et qui est accompagnée par les services Alpha Emploi à la recherche d'un emploi. Lamia devait renouveler sa carte Activa, donc la première chose qu'elle a fait, c'est aller sur place, aller à une antenne d'Actiris. C'est la première réponse qu'ont tous les personnes analphabètes, aller sur place, chercher un guichet. Le guichet, quand elle est arrivée, elle m'a dit, un travailleur d'Actiris m'a dit que c'était par Internet. Et donc, de retour à la maison, elle a un ordinateur qui ne marche pas, et elle ne sait pas l'utiliser, d'ailleurs. Et donc, elle a téléphoné, elle a appelé Actiris pour demander rendez-vous. Elle a appelé Actiris, ils lui ont dit, non, ce n'est pas possible, maintenant, c'est par Internet. Donc, elle est allée à une association qui était ouverte, le guichet était ouvert de l'association, qui l'ont aidée renouveler sa carte, mais il fallait aller sur la boîte email de l'AMIA. L'AMIA a une boîte email, même si elle ne sait pas l'utiliser, a une boîte email parce qu'elle est obligée par les services publics à l'avoir. Mais c'est son frère, à nouveau, c'est une autre personne qui la gère. Son frère l'a donné dans un petit papier son email et son adresse email parce qu'elle l'oublie tout le temps, systématiquement, parce qu'elle n'a pas créé et parce qu'elle n'utilise pas. Et donc, elle a appelé son frère a fait les démarches avec la personne de l'association et finalement, voilà, c'est un exemple à succès. Mais il y a des autres exemples avec des démarches un peu, tout petit peu plus compliquées qui finalement, les personnes ils disent, voilà, je laisse tomber, je ne vais pas demander cette allocation, je ne vais pas faire ça parce que c'est trop compliqué, non? Et donc, du coup, c'est vraiment, bon, voilà, c'est vraiment injuste, quoi. Parce qu'on perd ses droits, c'est ça? Oui, on perd ses droits. Et justement, on parlait de l'éducation, de l'importance de l'éducation pour faire que les nouvelles générations soient complètement alphabétisées. Donc, nous sommes en train de répéter les injustices. Il y a maintenant des difficultés aussi pour l'école, à partir de cette numérisation aussi de l'école. Il y a des personnes qui ont des difficultés aussi économiques, des difficultés avec ses enfants. Justement, il y a des personnes qui sont en train de déléguer plein de démarches sur leurs enfants, qui maintenant ont une responsabilité exagérée pour son âge, et qui sont en train de subir une pression. Les enfants doivent être à l'école, tranquilles, en train d'apprendre. Et donc, pour moi, on est en train de répéter ces injustices-là. On parle des droits, on parle d'allocations, on parle des services, on parle des droits de l'enfance. Donc, allez, on commence. Je ne sais pas comment le dire. Oui, peut-être compléter en disant que ces inégalités, elles étaient déjà bien présentes auparavant. Elles ne sont pas causées par le numérique. Mais la dématérialisation des services vient vraiment renforcer ces inégalités. Et on l'a vu très fort avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, la fermeture justement des guichets. Ça a vraiment fait un effet loop démultiplicateur de ces difficultés. Et on voit bien au niveau des associations de quartier comment le travail qu'elles font avec les publics s'est transformé depuis un an et demi, où on ne fait plus du tout ce pourquoi on existe, mais on se retrouve à devoir accompagner les personnes dans leur démarche, parce que ce sont des questions urgentes et très importantes pour les personnes, parce qu'ils risquent de perdre des allocations, des droits, des bourses, des problèmes d'accès au logement. Et donc le travail qu'on peut faire avec nos publics a vraiment été très fort impacté avec la crise sanitaire. Et on s'est retrouvé finalement à devoir suppléer la fermeture des guichets, des services publics. C'est nous qui avons dû accompagner les personnes dans toutes leurs démarches, sans que nous, on soit nécessairement formés non plus. Je prends l'exemple de la déclaration des impôts, puisqu'il n'y avait plus moyen d'aller trouver quelqu'un du ministère des Finances qui nous aide à remplir ces déclarations. Beaucoup de gens ont dû aider les personnes à remplir leurs déclarations, mais ça a en plus des conséquences quand on n'est pas spécialiste, qu'on ne connaît pas toutes les subtilités, etc. C'est des prises de responsabilité quand même assez, assez énormes, quoi. Ouais, et à l'autre côté, parce que bon, il y avait un certain moment, on disait d'automatisation des droits, mais là, on n'est pas du tout dans cette évolution-là. Il y a peut-être certaines choses, notamment, je pense, en Flandre, quelques communes qui ont, disons, des droits automatiques sur certains bases de calcul de revenus et tout ça, mais c'est très peu. C'est pas du tout évolué non plus. Donc, c'est pas que. Là, déjà complété ou cette idée-là n'incorpore presque nulle part. Et à l'autre côté, il n'y a vraiment pas de solution pour l'instant. Oui, effectivement. Bon, l'autonomisation, je ne sais pas comment dire. Oui, automatisation, je pense, des droits. Des droits, pardon. C'est tout un débat. Et je pense qu'on n'a pas abordé encore ce débat-là parce que je pense qu'il y a vraiment des atouts, tout à fait. Les personnes ne doivent pas remplir des dossiers qui ont déjà rempli pour une autre institution, déclaration de ménage, déclaration des revenus à nouveau une fois sur l'autre. Et en même temps, il y a la question du contrôle des données privées et du contrôle de la vie privée des personnes. Et donc, du coup, c'est vrai que lire et écrire, si je peux me permettre, je pense que ce n'a pas encore

Donc, nous avons abordé plusieurs questions. D'abord, les causes. Pourquoi c'est tellement difficile d'accéder aux services publics dématérialisés pour les personnes analphabètes? Ensuite, on a les conséquences en général, donc surtout l'accès aux droits, je vous raconterai un peu plus. Et on a mis un focus sur Actiris. Et donc, du coup, bon, par rapport aux causes, pourquoi c'est tellement problématique? Les personnes analphabètes avaient déjà, avant la dématérialisation, des difficultés pour accéder à leurs droits. Ils n'ont pas toujours l'information, parfois ils ont des difficultés à faire les demandes, parfois les demandes sont trop compliquées, mais on voit qu'avec la dématérialisation, il y a des difficultés en plus. Non? Déjà, l'accès au matériel, n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un ordinateur ou qui ont un ordinateur qui ne marche pas et qui ne savent pas les régler. La connexion Internet n'est pas toujours facile à avoir non plus, c'est cher. En plus de l'accès, il y a des difficultés aussi avec les compétences. Donc, les personnes en fait utilisent les nouvelles technologies. Par exemple, utilisent WhatsApp ou utilisent des autres applications qui permettent de contourner l'écrit. Mais pour accéder aux services dématérialisés, il faut avoir certaines compétences. Donc, par exemple, une boîte email, savoir gérer une boîte email. On a fait un sondage parmi nos apprenants et on a vu que seulement 28% des apprenants savent envoyer un email. Donc, on a 70% des personnes en alphabet en formation qui ne savent pas envoyer un email. Une autre difficulté, c'est par exemple télécharger une application, numériser un document, plein de petites, j'allais dire des petites, mais ce ne sont pas des petites compétences qui sont nécessaires pour accéder au service. Et donc, du coup, il faut toutes ces compétences plus la lecture et l'écriture, parce que ce n'est pas suffisant de savoir ouvrir ta boîte email, il faut savoir lire l'email que tu vas envoyer au service public. Écrire l'email que tu vas envoyer et savoir écrire l'email, lire l'email qu'ils t'ont envoyé. Pardon. Donc, on a les difficultés d'accès, les difficultés de compétences, d'usage. Et finalement, pour les personnes analphabètes, les guichets sont les plus faciles. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'exprimer oralement, ils peuvent s'exprimer tranquillement, ils peuvent écouter l'interlocuteur avec la calme. Ils peuvent aller avec les documents qu'ils ont reçus chez eux, par exemple la lettre qu'ils ont reçue et qu'ils ne comprennent pas, et dire à la personne au guichet, voilà, j'ai reçu cette lettre, je ne la comprends pas. Ils peuvent aller accompagner d'une autre personne qui est lettrée ou d'une autre personne qui parle mieux que les Français, mais avec les services dématérialisés, tout ça se perd en fait. Et les services téléphoniques peuvent servir pour certaines petites choses, comme par exemple demander un rendez-vous, mais pas pour expliquer une difficulté majeure avec une démarche administrative. Ce n'est pas facile de s'exprimer oralement par téléphone. C'est très compliqué pour les personnes, surtout si en plus on a des difficultés avec les Français. Et d'ailleurs, en plus, les services téléphoniques des services publics sont en train d'installer des répondeurs automatiques qui sont très compliqués pour les personnes. Et en plus, te font parfois attendre 30 minutes, 50 minutes. Les personnes doivent réappeler. Donc, c'est des coûts aussi. C'est des coûts de téléphone, c'est des coûts de transport parce qu'il doit y aller chez un cousin qui sait parler mieux que les Français. Et donc, ils appellent devant cette personne qui peut les aider au cas où ils ne savent pas s'exprimer. Et on a vu aussi que les repères matériels, donc avoir une lettre, savoir où y aller physiquement à un placement, aident les personnes à se situer, aident les personnes à comprendre les contextes institutionnels belges, qui n'est pas évident pour plein de personnes. Et les conséquences, je pense qu'on a déjà parlé, mais on peut parler en profondeur, c'est l'accès aux droits. La première chose, c'est que les personnes ne sont pas en train d'accéder à leurs droits et aussi aux services publics et aux services d'intérêt général, au-delà des droits. Et donc, je vais vous donner un autre exemple, parce que je pense qu'illustrer, c'est toujours plus facile. Donc, Farissa, c'est une apprenante d'une association à Anderlecht, une apprenante en alphabétisation, qui est au chômage. Son médecin l'a fait un certificat de maladie parce qu'elle est malade, elle a un problème au genou. Et donc, normalement, dans les 48 heures, elle doit envoyer les certificats médicaux à la mutuelle. Et aussi, elle doit remplir un document pour les syndicats. premier réflexe des pharisiens, c'est aller à la mutuelle. La mutuelle était fermée. Elle a appelé la mutuelle. Elle m'a raconté que l'interlocuteur, le travailleur de la mutuelle, n'a pas compris sa demande et que finalement, il a fini par raccrocher. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Farissa ? Normalement, elle s'est fait accompagner de quelqu'un, elle fait des autres démarches, mais elle m'a dit cette fois-ci, c'était que 48 heures, j'ai laissé tomber. Et donc, maintenant, elle a peur qu'elle activise l'appel pour travailler, parce qu'en fait, elle n'est pas apte au travail. Donc, elle a renoncé à un droit et elle se met à risque. Parce qu'elle peut être sanctionnée par Actiris. Et donc, du coup, on a vu aussi qu'il y a des sanctions pour les personnes qui ne sont pas en train de remplir les responsabilités à cause de la dématérialisation. Fabien parlait avant de la déclaration d'impôt. Et Héloïse, qui est une agente de guidance d'une association, nous a raconté que pendant les printemps 2020, il y a des personnes qui sont arrivées à l'association en mai, quand l'association a réouvert, pour les demander de les aider, pour les demander de l'aider à faire la déclaration d'impôt. Mais il y a des autres personnes qui n'ont pas fait la déclaration d'impôt. Et donc, en octobre, en novembre, décembre 2020, ils ont reçu une sanction des finances parce qu'ils n'ont pas fait la déclaration d'impôt alors qu'on était en plein confinement et que la seule façon de le faire, c'était online, en ligne. Donc, comme je viens de vous dire, pas accès aux droits. Accès au droit aussi en retard, plus tard. Il prend du temps pour demander une allocation et du coup, il reçoit l'allocation plus tard. Ou parfois, demander une allocation en papier ou au guichet signifie que tu vas recevoir les allocations plus tard que les personnes qui sont en train de les faire via Internet. C'est le cas, par exemple, des allocations d'études. Aussi des sanctions, aussi des coûts de gestion. Et alors, je peux vous donner aussi des autres exemples aussi des situations de perte d'autonomie, comme on avait parlé, et de dépossession de capacité. Donc, ça, c'est les conséquences majeures qu'on est en train d'observer. Par rapport à Actiris, on a vu que Actiris a mis en place un système, une nouvelle page web, une nouvelle application très performante, mais qui est très compliquée pour les personnes analphabètes de base, et aussi pour les personnes peu formées d'ailleurs, qui est d'ailleurs la plupart des personnes qui sont Actiris pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous faire maintenant, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Actiris, mais bon, c'est vrai que d'ailleurs, le marché de l'emploi est déjà en soi très, très, très numérisé. Demander déjà un emploi, c'est fait presque exclusivement par Internet. Chercher un emploi, c'est fait presque exclusivement par Internet. Et la nouvelle application d'Actiris, d'une certaine façon, renforce et va vers ces systèmes-là. Actiris, en même temps, dit que cette numérisation de ces services va permettre de suivre les cas des personnes plus démunies d'une façon de plus près, que les guichets seront ouverts pour ces personnes-là. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas qu'on observe, et on observe surtout que ces personnes sont accompagnées par les associations. Mais bon, je ne vais pas non plus, comme je vous ai dit, expliquer à fond les thèmes des Actiris, mais bon, l'emploi est déjà un grand, grand sujet en soi. À l'heure de la dématérialisation. Et donc finalement, bon, cette étude, ça qui vient renforcer, c'est, on le savait déjà, c'est un état des lieux de quelque chose que je pense qu'on a constaté tous, mais on voulait mettre des exemples, on voulait être clair sur toutes les problématiques qu'il y a, sur tous les droits qui sont en train de perdre les personnes les plus fragilisées déjà de cette société. Et on voulait renforcer l'idée que finalement, la dématérialisation est vendue comme un processus qui nous amène à tous à être plus autonomes, mais qui est en train de mettre justement en dépendance des milliers de personnes. Il est en train de responsabiliser ces personnes-là, qui ont déjà une situation de vie très compliquée, de en plus ne pas savoir accéder aux services publics dématérialisés. Donc c'est comme une couche en plus de responsabilisation des personnes qui sont déjà fragilisées. Et surtout aussi, c'est une société qui va vers le numérique et qui oublie les côtés relationnels, les côtés humains, qui finalement, c'est un peu la scène de la vie, je ne sais pas comment dire. Et puis qui engendre l'exclusion sociale. Tout à fait. Elles sont venues pour dire qu'elles ne sont pas sorcières. Et coup de la démo, elles aiment la lumière. Elles sont venues de loin, de tous les coins du monde, pour arrêter la nuit. Et c'est un cri qui monte. Elles ont marché longtemps, couvertes de poussière, sur des chemins minés sous les feux de la guerre. Elles ont marché pourtant ces cours de la vie depuis la nuit des temps, et c'est bien plus qu'un cri. Saute, saute tous les obstacles sans jamais t'arrêter. Songe, songe, fais un miracle et arrête de pleurer. Et arrête de pleurer. Elles sont venues sans dire l'histoire impitoyable, la peine et les blessures semblables. Elles se sont retrouvées au-delà de la mémoire pour surmonter les cris par leur envie d'espoir. Elles ont tourné le dos, loi de la violence, à la chasse au pouvoir qui porte pestilence, à ses faux camarades qui les ont trop trahis. Elles sont venues sans armes, c'est un silence qui crie. Saute, saute, et davantage, arbore ton sourire. Songe, songe, et bon courage sur des soupirs, danse sur des soupirs. C'est un silence qui crie. Mais donc là, notre campagne s'appelle Les oubliés du numérique, Delete ou Enter, et ben, ces deux termes reprennent un peu les deux facettes de ce qu'on a discuté jusqu'ici. Donc Delete, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette numérisation, vu tous les difficultés, les problèmes que ça pose, les questions qu'elle pose à nous tous en fait en tant que citoyens, mais aussi particulièrement pour les personnes en difficulté de lecture et écriture, et avec les exemples qu'Iria a expliqué, bah, toutes les difficultés, le non-recours au droit pour beaucoup d'entre elles, mais aussi Enter parce que bah, l'idée, on se fait pas trop d'illusions non plus, on va pas revenir tellement en arrière. On a bien vu qu'avec avec la crise sanitaire, au contraire, ce mouvement s'est accéléré. Et ben, c'est très très clair qu'il y a des choses qui ne vont pas vraiment s'arrêter. Mais c'est au moins la prise en compte de tous les publics, et notamment des publics du public analphabète, dans cette numérisation. Et nous, on veut notamment attirer l'attention sur le fait que si dématérialisation d'un service il y a, si vraiment on peut pas faire autrement, voilà, c'est qu'au moins, au minimum, il y ait une prise en compte des personnes analphabètes dans le développement, par exemple, des interfaces. On est, dans les meilleurs des cas, on est parfois consulté, mais ça vient vraiment en bout de processus. Quand tout est déjà terminé, quand l'application est déjà développée, ils vont nous dire « Ah tiens, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais c'est déjà trop tard, il n'y a plus moyen de faire grand-chose. Et donc, au moins, dès le départ, ces interfaces soient pensées pour les publics analphabètes et de comment on va faire pour que toutes les personnes puissent s'approprier cet outil. Ça veut dire la mise en place de matériel aussi pour pouvoir s'approprier d'un simulateur, par exemple, pour pouvoir s'entraîner, de la formation et du temps aussi pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est un peu les deux aspects de la campagne, Delete ou Enter. Et cette année, ça va se passer essentiellement sur Internet, notamment sur la page Facebook de l'IRÉCRIR Bruxelles, mais aussi quand même avec des affiches qu'on va retrouver dans les principales gares bruxelloises, puisque c'est un petit peu difficile de prévoir vraiment des actions physiques dans l'espace public, ce qu'on fait généralement dans nos campagnes précédentes, mais depuis l'année passée, c'est un petit peu compliqué. Donc ça se passe essentiellement sur Internet et dans les médias, mais on a bon espoir l'année prochaine, on espère bien pouvoir réoccuper l'espace public et réinterpeller quand même les gens, tous les citoyens, tout le monde sur les difficultés donc rencontrées par les personnes analphabètes. Parce que mais finalement c'est pas que les analphabètes parce que c'est quand même il y a quand même une grande couche de population aussi plus âgée. Il y a aussi c'est pas parce que t'es scolarisé que tout le monde est doué aussi à Internet. Si tu fais pas ça tous les jours, un boulot derrière ton bureau, tu n'as pas vraiment ces capacités là. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de... Je comprends qu'il faut vraiment mettre le focus aussi sur votre public, mais moyen de faire les choses ensemble avec d'autres groupes, d'autres collectifs qui ont un public aussi qui sont en train de vivre la même chose. Oui, mais donc on est membre fondateur notamment de Cabane, qui est le collectif des acteurs bruxellois pour l'accessibilité numérique et qui regroupe un peu... Les différentes associations, les différents acteurs qui s'occupent de la fracture numérique à Bruxelles et notamment pour le développement d'un réseau EPN, donc d'espaces publics numériques, donc des infrastructures collectives où on peut accéder à un terminal à Internet et à quelqu'un qui peut nous aider dans les manipulations. Parce que c'est clair, il n'y a pas que les personnes analphabètes qui rencontrent ces difficultés. On parle beaucoup des personnes âgées, mais je vais même dire un exemple qui m'est arrivé ce week-end dans une réunion de famille. Mon beau-frère qui nous fait signer une pétition pour pouvoir faire une interpellation parlementaire. Et donc, il faut récolter un certain nombre de signatures. Mais pour que la signature soit prise en compte, il faut s'identifier sur le site du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec sa carte d'identité. Ça a été très très compliqué et donc finalement on est plusieurs dans la famille à avoir laissé tomber et à ne pas avoir signé parce qu'on ne sont pas arrivés à faire valider leur signature, même si on avait quelqu'un qui travaille à la commune, à l'état civil avec nous, on n'y est pas arrivé. Et donc pourtant on est plutôt dans la tranche d'âge qui a priori dans les catégories sociologique où on est dans des taux d'utilisation du numérique très très élevés. Mais voilà, donc la numérisation elle nous touche quand même tous et ce qu'on s'interroge aussi c'est finalement quel débat public on a tenu ensemble sur est-ce qu'on veut de cette numérisation, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société, est-ce qu'on veut une société de robots, d'interfaces, est-ce qu'il faut penser les services publics uniquement en termes de rentabilité? Est-ce qu'un CPS doit être rentable? Est-ce que les transports publics doivent absolument être rentables? Et donc, c'est un débat aussi sur quelle société on veut, quelle place laisser au numérique. Je pense que c'est important parce qu'on est tous quand même concernés et à un moment ou à un autre, avec, comme ça change en plus tout le temps, on est quand même tous à un moment... on en a ras-le-bol, on ferme notre ordinateur et, C'est vrai ça qu'on nous arrive plus le choix, en fait. On n'a presque plus le choix. On est obligé de subir, en fait, cette invasion numérique. Et ça devient difficile pour plein de gens. Bon, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais il y en a d'autres qui n'arrivent plus, pas du tout. Et comme il vient de le dire, les gens lâchent aussi. Ah oui, c'est ça. Mais comme ils n'ont plus le choix et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils lâchent. Et c'est fini, quoi. Et donc c'est pour ça que nous, on milite vraiment pour le maintien d'un maximum de la pluralité des canaux. Alors, une interface Internet, ça peut être pratique, effectivement, et réaliser une série de démarches depuis la maison, ça a des avantages aussi, mais ça ne doit pas être la seule voie. Il faut maintenir des guichets, des lignes téléphoniques, des moyens de paiement, une présence. Bah oui. C'est quand même important. Il y a des gens qui sont habitués tellement à avoir une présence, ne serait-ce que dans les banques ou dans les services publics, et qui n'ont plus ça. Et donc, c'est quand même assez fou. Et ça impacte effectivement notre relation avec les institutions. Ouais. Et donc, en termes de confiance aussi qu'on peut avoir dans les institutions, ça égratine quand même un petit peu. Ah oui. La confiance qu'on peut avoir dans des institutions de proximité comme la commune ou d'autres, parce qu'on a affaire avec un robot qui ne nous comprend pas, on n'arrive pas à se faire entendre, et ça a un impact quand même là-dessus aussi, je pense. Oui, et puis en plus, quand on prend rendez-vous, on nous met sur un menu, à taper sur un, taper sur deux, taper sur trois. Après, bon, voilà, quoi, ça devient fou. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai rien à ajouter parce que je suis tout à fait dans le même débat. Pourquoi ? On ne peut pas imaginer une autre chose. Je pense que le numérique peut être fantastique et a des avantages, peut être un outil super intéressant pour plein de choses et déjà. Mais bon, ce n'est pas la seule option. Et aussi, on peut inventer un numérique différent. Tout à fait. Okay. Donc vous avez fait aussi des vidéos, j'ai vu dans votre campagne. Mmh. Donc les gens peuvent le voir sur le site. Mmh. On a mis le lien sur le blog de Tranche d'un art. On peut en visionner. Mais donc c'est un vidéo sur Enter et l'autre Delete. Quoi. Ouais. Voilà, oui. Mmh. Donc il y a deux petites capsules vidéo qui illustrent ces deux aspects un peu de la campagne Delete ou Enter. Et donc qui sont diffusés sur le site ici et puis aussi sur tous les médias de Lire et Écrire Bruxelles, le site, la page Facebook. Et puis en plus on peut parler de toi spécifiquement parce que tu es coordinateur de l'équipe TIC. Donc il faudrait peut-être parler des TIC. Oui, technologie de l'information et de la communication à lire et écrire. Donc c'est l'éthique, c'est tout ce qu'on vient de parler, hein. c'est tout ce qui est numérique en fait, quelque part. Et donc nous on essaye de former donc nos apprenants, notre public à la manipulation de ces interfaces, de ces écrits papier, mais donc aussi numérique. Jusqu'à présent, c'était pas ou très très peu quand même pris en compte de manière générale dans le secteur de l'alpha à Bruxelles, mais un peu partout ailleurs aussi. Et c'est vraiment maintenant avec la crise sanitaire que un peu tout le monde s'est rendu compte que oui, on peut plus faire l'impasse de cette question-là. Il faut absolument l'aborder parce que ça a trop de conséquences sur nos publics. Et donc on a toujours ce volet de formation directement de notre public, mais aussi puisque comme Iriel a dit très rapidement en présentant un petit peu Lire et Écrire Bruxelles, on a aussi une mission de soutien un petit peu à tout le réseau d'alphabétisation et d'apprentissage du français à Bruxelles. Et donc on essaye d'outiller en termes de formation, de soutien pédagogique, les associations du réseau d'alphabétisation, mais aussi cette année les associations d'écoles de devoirs. Pour l'appropriation, la prise en main du numérique, parce que cette question un peu de la fracture numérique, des difficultés qu'on rencontre par rapport aux outils, on la retrouve aussi parmi le personnel des associations. Et donc tout le monde dans les associations, dans les animateurs, dans les formateurs, n'est pas non plus formé nécessairement aux outils. C'est un petit peu ce que je disais, on se trouve un peu obligé d'accompagner, de répondre aux demandes de notre public, mais nous-mêmes, on n'est pas tous des geeks finis ou des grands spécialistes de toutes les interfaces. Et donc, il y a un grand travail aussi d'outiller, de former, d'accompagner les travailleurs salariés ou bénévoles dans toutes ces missions-là. Et vous êtes combien pour faire tout ça ? Parce que c'est quand même un énorme réseau et boulot. On n'est pas très nombreux. Disons vraiment, à Lire et Écrire Bruxelles, bon, on est quand même déjà une grosse structure, hein, on est 120 équivalents temps plein, quelque chose comme ça, donc on est vraiment une grosse structure. Maintenant, on doit être 60 formateurs, J'ai pas les chiffres exacts, mais maintenant vraiment sur les questions du numérique, il y a quoi, il y a une quinzaine de formateurs qui sont vraiment qui s'emparent un peu de cette question. Et dans les associations aussi, souvent il y a une ou deux personnes qui est un peu plus intéressée. Et donc c'est vrai que c'est un gros travail d'aller soutenir, d'aller accompagner, d'aller former les équipes. Ici on a reçu cette mission donc de soutenir vraiment les associations de cohésion sociale, et on fait ça avec cinq personnes, cinq temps plein, selon différents axes. Il y a un axe de formation, mais on a aussi un informaticien public. Donc un informaticien public, c'est quelqu'un qui vient faire des permanences, et les personnes peuvent venir chez lui pour trouver un accompagnement dans les démarches à réaliser online. Donc on a un informaticien public, on a un technicien informatique qui vient proposer un soutien à la maintenance dans les associations, parce qu'on peut recevoir du matériel, on peut encore apprendre à l'utiliser, et puis deux mois plus tard, il ne marche plus, il y a des mises à jour, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus, et donc il y a tous la question de la maintenance qui est vraiment très très importante. Et voilà, il y a encore deux personnes, une qui se charge de mettre un peu en réseau, en contact, les différentes associations, parce que chacun a développé des tas de choses dans son coin, et donc ça permet un peu les échanges aussi, et de se nourrir les uns les autres de ce qu'on fait chacun. Et enfin, une personne qui fait plus un travail de recherche et d'analyse de l'impact de cette crise, du confinement, sur la vie justement des associations, et de comment le travail social change avec cette numérisation et l'impact sur la vie des associations. Ah oui, c'est un beau travail. Hein. On okay. S'embête pas. Malheureusement, on est arrivé là. Ouais. On n'avait pas pu y arriver. Ça n'avait plus existé comme avant. Voilà. C'est... Non, moi je trouve ça assez fou qu'on soit obligé de passer par des machines pour pouvoir accéder à quelque chose. Quoi. C'est ça qui est assez fou. Ça devient qu'on soit obligé En plus, bon, les outils Internet, ils changent tout le temps. Bon, il y a toujours des trucs en plus. Il faut toujours Moi, je ne connais pas grand-chose. Alors, heureusement, j'ai mon technicien privé qui est là, mais... Mais sinon, il y a plein de choses que je ne sais pas faire sur Internet. Bon, j'apprends un peu toute seule, mais certaines choses, mais je ne suis pas douée, quoi. Et c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des cours, peut-être, mais bon, voilà. Mais moi, j'arrive à comprendre, en fait, certaines choses. Mais c'est toujours aussi de pouvoir comprendre et de savoir comment le faire, quoi. Et puis bon, qu'on ne puisse plus accéder à aucun service, ni aux banques, ni aux services publics, tels qu'Actiris, comment ça s'appelle, CPS, enfin tout ça, et qu'on doit téléphoner, les gens ne sont pas toujours prêts à téléphoner, enfin voilà, je trouve que c'est assez fou. Je me suis retrouvée un jour à la banque avec une dame qui ne savait pas manipuler les machines. Et elle avait toujours l'habitude, c'est une vieille dame qui avait toujours l'habitude d'aller au guichet. Et elle ne savait pas comment faire pour retirer son argent, quoi. Ne serait-ce que ça. Donc ça, c'est parfois quelque chose qu'on... Des questions qu'on reçoit parfois. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, votre campagne, etc. Ben nous, quand on attire l'attention, quand on dit... Ben voilà, vous savez, il y a 10% hein, des personnes qui sont en difficulté de lecture et écriture. Donc c'est une personne sur 10, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on les croise, elles sont de notre entourage, elles sont à côté de nous, mais on ne s'en rend pas compte. Ben peut-être, justement, quand on fait la file à un guichet et qu'il y a quelqu'un qui prend un peu plus de temps et qui a du mal avec la machine... Ben, c'est peut-être un petit peu plus compréhensif et se dire que c'est pas de la mauvaise volonté, mais que c'est compliqué pour toute une série de personnes. Et voilà, ça c'est simplement des choses très très simples qu'on peut faire aussi. C'est juste un peu de patience, être un peu compréhensif et pas trop s'énerver sur les gens qui prennent un peu plus de temps aux machines. Non, mais en plus, il faut que les personnes qui ne savent pas faire et qui se retrouvent confrontées à une machine n'aient pas honte de demander de l'aide. Ça aussi, je pense qu'au niveau de ces personnes-là, ça peut être difficile de dire, voilà, il faut que je demande de l'aide tout le temps. Bon, et finalement, je ne fais pas, quoi. Il faut pouvoir dépasser ce côté honteux de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, ce qu'on veut, quoi. De temps en temps, on ne peut même pas demander l'aide, parce que si tu devais mettre ta carte bancaire dans un truc, tu vois, que tu n'arrives pas... Moi, je l'ai fait pour une dame à la banque, elle a besoin de retirer de l'argent, et je l'ai fait, moi, j'ai mais il faut avoir confiance, tu vois. Il faut avoir confiance, c'est sûr. C'est vrai que... Pour une carte bancaire, c'est un peu plus compliqué, mais pour d'autres choses, remplir des papiers ou lire un truc, enfin, c'est vrai que ça peut être important, quoi, de demander de l'aide. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas non plus demander de l'aide. C'est ça, le problème. Et qui n'ont pas de réseau. Parce que ceux qui ont un réseau familial ou autre, comme vous dites, vous dites plein d'exemples de frères, parents. Mais il y en a qui sont seuls, complètement seuls. Et donc, OK. Tout à fait, parce que je pense que je peux me permettre que cette société... On est dans une société qui promue l'indépendance et l'autonomie comme le summum de la vie humaine, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, dire que tu es fragile, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas faire ça, c'est une honte. Il faut être toujours performante, il faut être toujours à la pointe. Ça, ouais. Et sinon, c'est honteux. C'est ridicule, en fait. On ne peut pas savoir tout, surtout dans une société maintenant... qui devient tellement compliqué, tellement complexe, avec tellement de connaissances si variées, tu ne peux pas tout aborder. OK. Vous avez d'autres choses à ajouter ? Il y a la journée de l'alphabétisation. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Bon, ce jour-là, déjà, vous pouvez voir la vidéo Inter, qui sera mise en place ce jour-là. Ah oui, parce qu'elle n'est pas sur le site, la vidéo Inter. Non, on a mis aujourd'hui justement Delete. Oui, Delete, je l'ai vu, oui. Voilà, pour ouvrir un peu la bouche. Oui, donc il y aura les affiches, hein, dans les gares, et puis il ne faut pas hésiter à partager les vidéos, et puis à partager aussi sur vos réseaux, puisque la campagne est essentiellement... numérique cette année, mais donc il ne faut pas hésiter à partager aussi les vidéos, et puis pourquoi pas prenez-vous en photo avec les affiches et puis relayez-les sur votre propre page Facebook, compte Instagram, je ne sais pas tout ce qui existe encore. Voilà. OK. Et ces affiches, elles seront où, dans les gares, à la STIB, j'ai vu? Non. Alors il y en aura à la gare centrale, à la gare du Midi, à la gare du Nord. Et donc, on vous propose de les chercher dans la gare. OK. La chasse au trésor. OK. Et le jour du 8 septembre, il se passe quelque chose ? Non, c'est en ligne, c'est ça. Bah donc, il se passe tout ça. C'est avec les mesures, c'est tout ça se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Oui, les autres années, on a... C'est pour ça qu'ils ont dit la campagne d'affichage, c'est un outil, mais pour le reste... On espère bien l'année prochaine revenir dans l'espace public, mais là, c'était encore un peu compliqué d'organiser un événement vraiment pour cette année. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à vous aussi pour nous avoir invités. Mais non, mais c'est un plaisir. Normal. Oui. Moi, quand on a reçu le mail, j'étais contente parce que je trouvais que c'était important. Donc c'est pour ça que j'ai répondu assez rapidement. OK. On va passer un petit morceau de musique, peut-être. Thank you. tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça nous a éclairé sur pas mal de choses qui ne sont pas toujours rigolotes, mais c'est quand même bien. Voilà, donc demain à partir de 12h, vous avez un rassemblement à l'Office des étrangers, boulevard Pacheco 44, pour la régularisation de tous et de tous les sans-papiers. Et alors, ça c'est la suite d'une manifestation qui a eu lieu vendredi devant à la zone neutre. C'est un ancien bâtiment de la KBC qui est avenue du Port à Bruxelles, qui est une nouvelle occupation. Et donc, en ce moment, les sans-papiers font beaucoup de pression sur les gouvernements et sur le gouvernement et sur les politiques pour pouvoir régulariser les gens qui sont là depuis longtemps. Et suite à la grève de la faim, il y a eu aussi pas mal de choses qui n'ont pas été faites. Donc voilà, et donc ils mettent la pression pour la régularisation de tout le monde. Donc c'est à partir de 12h demain à l'Office des étrangers, boulevard Pacheco. Et alors, en plus, samedi 4 septembre à 9h30, la Marline, 26 chemin des Marronniers à Wépion. C'est une journée consacrée aux citoyens et à la démocratie au domaine de la Marline à Namur. Marre de toujours subir, ensemble préparons l'avenir. En matinée, un invité de marque nous fera part de son expérience et répondra à vos questions sur l'intérêt d'organiser une assemblée citoyenne tirée au sort. Après le repas de midi, nous aurons droit à un débat interview avec David Von Reybrouck, initiateur de G1000. Puis nous nous interrogerons sur la nécessité d'agir en amont de la réforme programmée lors de cette législature et sur les actions à mener pour parvenir à nos fins. Alors, il y a des ateliers possibles. Donc, ça se passe à partir de 9h30. Et c'est donc la Marline, 26 chemin des Marronniers, 5100 Wépio. Et lundi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Lundi, il y a plein de choses qui se passent, mais les gens doivent se réhabituer d'alimenter le site bxl.indymedia.org. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a certainement plein d'autres choses qui se passent, mais c'est vrai que de moins en moins, à cause que tout se passe via Facebook, de moins en moins d'événements sont mis dans des blogs qui existaient déjà avant, de médias alternatifs. Et ici, c'est aussi ton propre média. Donc, tu peux publier toi-même ton événement sur bxl.indymedia.org. Et c'est, je pense, facile à faire. Il faut peut-être essayer avec tout le public, mais c'est juste publier agenda ou même des articles. Ok, et alors donc lundi 6 septembre 2021, 17, il y a un rassemblement de soutien à Julian Assange, acte 127. Et ça se passe où ? Il faut que ça vienne. Ambassade du Royaume-Uni et place de l'Ange à Bruxelles et Namur. Voilà, donc plus de 7 mois à attendre la réponse britannique à l'appel éthanusien. L'appel maintenant reçu sera examiné les 27 et 28 octobre. Appel reçu sur base de promesses dont on sait qu'elles ne seront pas tenues. Appel reçu qui remet en cause un témoin de la défense, un neuropsychiatre reconnu. Appel reçu alors que par contre un témoin clé de l'accusation qui a admis avoir menti n'est pas remis en cause. Appel reçu et de nouvelles procédures tirant en longueur souvent. Le 6 septembre, ce sera la 9e rassemblement depuis le refus de l'extradition. L'injustice a assez duré. Assange devrait être libre. Assange doit être libéré. Et toutes les charges à son encontre doivent être abandonnées. Voilà. Mais je crois qu'il est surtout très malade maintenant, Assange. Ok. Ben voilà, notre émission touche à sa fin. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine encore. C'est à la cloche de bois. Ah oui. Donc, c'est pas toute notre équipe qui s'en occupe. Donc, il y a, ouais, entre autres, ouais, moi, je participe quand même à l'équipe à la cloche de bois. Et donc, ça parle de logement et des squats à Bruxelles. Ce sera encore une surprise. Ok. C'est en route à être. Merci. Bonne soirée à tous.